toi qui viens et c'est toi qui passe. Et c'est toi qui s'en va comme un troubadour qui suit son parcours et qui poursuit sa voie. Et tu passes de ville en ville à la recherche de l'exil. Et tu te sens bien comme ça, avec une carte à la main. Toi qui prends le temps de parler aux gens.